Liusbituk. Donc la première des choses, regardez, Allah Azzawajal te décrit les situations dans lesquelles, la façon dont les kuffars se comportent envers les musulmans. Allah Azzawajal, dans Sourate l'Anfal, il a cité trois comportements que ces kuffars ont contre les musulmans. Allah Azzawajal, il a dit, Liusbituk, première des choses. Aou yaktuluk, aou yukhrijuk. Troisième chose. D'accord? Ici, Yusbituk, ça veut dire quoi? Te mettre en prison. Te mettre en prison. Et ce dire, ce n'est pas mon dire. C'est le dire de Qatada, ou Mujahid, ou Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Fi shifwa, idha aradta an tarji ila tafsir Ibn Kathir, farji. Ici, il a dit quoi? Il a dit, Ibn Abbas, Qatada, Mujahid, ils ont dit, Liyusbituk, c'est-à-dire, Liyuqayiduk wa yahbisuk. Pour te mettre en prison. D'accord? Donc, le choix, ils peuvent avoir ce choix, te mettre en prison, s'ils voient que tu es vraiment un ennemi pour eux, soit, ou te tuer, comme ils ont fait, comme ils font toujours, c'est-à-dire comme ils ont fait avec Cheikh Bin Laden, comme ils font avec les Moujahidines, comme ils font avec les Moujahidines, ils les tuent. Ou soit il t'envoie à Guantanamo, soit il t'envoie dans une prison, soit il t'envoie loin de chez toi, loin de ta famille, personne ne te voit, comme ils font avec Cheikh Omar Abdelrahman, Fakkallahu Asrah, wa Shafahullah Azza wa Jal, wa Adama fi Omore, wa Nafa'allahu Bihi, wa Nas'Allah Azza wa Jal, Allah Nara fihi ma yasu. Comme ils font avec les savants. Qu'est-ce qu'ils font ces tawarites avec les savants? Ils les mettent en prison. Ils les mettent en prison. Et ça, c'est cité dans Sourate l'Anfal, verset 30. Donc, les mécréants mettent contre toi un piège, soit pour te mettre en prison, soit pour te tuer, soit pour t'expédier. Allah khayru mankirin. Allah Azza wa Jal est meilleur en stratagème. Subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh l'Islam, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayh, et Sayyid Qutb, rahmatullahi alayh, nous ont des paroles, notamment Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, il a des paroles, mashallah. Il dit, Inna hadha al-manhaj la ya'ni bi bayan al-haqq wa idharihi hatta tastabina sabila al-mu'minin. إن هذا المنهج لا يعني بيان الحق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسب، إنما يعني كذلك ببيان الباطل وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين المجرمين. إن استبانة سبيل المجرمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين. Allah, il dit, il y a des paroles, il dit que dans ce manhaj, on n'est pas là pour montrer la vérité et la dévoiler, pour connaître le chemin des croyants, des vrais croyants qui sont pieux. Mais cela signifie aussi montrer al-batil et le dévoiler jusqu'à ce qu'on voit le chemin des égarés, des criminels aussi. Et ensuite il dit, Inna sibana tasabili al-mujrimin daruriya. Il dit, le fait de montrer le chemin des criminels est une obligation pour connaître le chemin des croyants. Subhanallah. لِسِبَانَةِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ لِسِبَانَةِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ